Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez la chronique arc-en-ciel sur Radio Gemozo. Aujourd'hui, veille de la fête nationale, nombreux sont celles et ceux qui vont participer aux festivités. Lesquelles sont diverses et variées, du bal populaire au défilé militaire, sans oublier les feux d'artifice. Cette fête est-elle encore comme sa première version en 1790, un événement fédérateur et réconciliateur? Personnellement, j'en doute. Hormis à Paris, les défilés militaires ne suscitent pas l'enthousiasme des citoyens. Les bals populaires, ringardisés, disparaissent faute de danseurs. Les feux d'artifice, quant à eux, ont encore l'adhésion populaire. La citoyenneté s'effiloche, et l'ampleur de l'abstention aux dernières élections territoriales en est le triste révélateur. Les nouvelles générations de citoyens ne semblent pas se retrouver dans cette fête nationale qui ne brille pas par sa modernité. En faisant preuve d'imagination, il nous faudra réinventer le sens de la fête, joyeuse, tourbillonnante, féerique, merveilleuse, entraînant petits et grands, actifs et retraités. Comme dans certains villages, qu'ils remettent au goût du jour les banquets républicains sous forme de buffets, ouverts aux mets et saveurs de toutes les cuisines qui, désormais, font la France actuelle. Ce qui n'exclut pas les bals, les scènes de danse modernes, le tout clôturé par le feu d'artifice. Évidemment, il n'est pas simple de créer un événement rassemblant les habitants, quelles que soient leurs origines, leurs croyances, leur genre, leurs âges, leur situation sociale. Mais ce serait un bel exemple de tolérance et de fraternité. La fraternité, le troisième élément de la devise de la République française qui nous fait tant défaut dans notre quotidien. Le 14 juillet s'exprime aussi par la ferveur patriotique. Mais cela veut dire quoi? Fier d'appartenir à une nation fraternelle ou à une puissance militaire? Je suis d'une époque, d'une génération postérieure au drame de la Seconde Guerre mondiale, celle de 1939-1945. Cela nous a imprégné pour que beaucoup d'entre nous soient pacifistes et pro-européens. Parfois, cela me semble hors du temps, mais ma détermination reste intacte. C'est ainsi que défilés militaires, manifestations patriotiques et parades d'engins de mort m'ont toujours, et encore maintenant, hérisser le poil. Notamment à Paris, comme dans bon nombre de pays et nombre de dictatures, ces défilés ne célèbrent pas la fraternité, mais la démonstration de force, l'agressivité. Passer en revue les troupes néocoloniales, telles celles qui sévissent en zone subsaharienne pour des intérêts industriels, au prétexte de prétendus groupes extrémistes qui nous menaceraient, suscite ma plus profonde aversion. Le patriotisme n'est que l'expression de l'agressivité ressassée, des nostalgiques de l'empire colonial. Soyons modestes, la population française représente à peine 1% de la population mondiale. Le patriotisme, c'est la voix des nations, mais c'est malheureusement la voix du sang, la voix de la vengeance. Je trouve cela tragique et désuet. La cérémonie prévue demain matin à Remiremont n'a plus de sens. Elle frise le ridicule. Où est la fraternité républicaine quand claquent les drapeaux, sonnent le clairon et aboient les gardes à vous? Le ciment de la fraternité est dans le respect des libertés individuelles et collectives, le respect des droits des personnes et des droits sociaux. La musique qui marche au pas, le clairon qui sonne, les drapeaux qui claquent, ça ne m'intéresse pas. Comme le chantait Georges Brassens, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. Bonne semaine à toutes et à tous. Bel été et belles vacances ensoleillées. Je vous retrouverai de temps en temps cet été. Remerciements à l'équipe technique de Radio Gemozo pour son assistance. Et c'est bien sûr Georges Brassens qui nous accompagne avec sa mauvaise réputation.